la décadence. Vois l'orage qui danse. C'est pour toi qu'il s'apprête. C'est demain jour de fête. Qu'avons-nous fait, mon père? Qu'avons-nous fait? Tu peux pleurer, mon père, tu peux pleurer. C'est le monde qui se venge. Qu'avons-nous fait, mon père? Qu'avons-nous fait? Tu peux pleurer, mon père, tu peux pleurer. C'est le monde qui se venge. Son souffle est terrassant, son baiser est brûlant. Il nettoie l'impureté, la matrice souillée. Et l'air est purifié, et la terre nettoyée. Et le feu disparut, et c'est l'eau qui nous tue. Oh, qu'avons-nous fait, ma mère? Qu'avons-nous fait? Tu peux pleurer, ma mère, tu peux pleurer. C'est la terre qui nous mange. Qu'avons-nous fait, mon frère? Qu'avons-nous fait? Tu peux pleurer, mon frère, tu peux pleurer. C'est le temps de la fange. Demain tous pleureront et perdront la raison, et nos larmes de sang rempliront l'océan. Et qu'as-tu fait, l'enfant? Oui, qu'as-tu fait? Tu peux pleurer, l'enfant, tu peux pleurer, mais pas.